devant chez moi. Chaque fois que je sors, même très tard, quelqu'un attend sur le palier. Je suis prêt à tout croire. Quand je vais parler avec mes amis du racisme et de ses problèmes, cet homme-là vient pour te voir. Je doute que tu m'aimes. Qui est-ce qui tourne en rond chez moi? Chaque fois que je sors, même très tard, quelqu'un attend sur le palier. Je suis prêt à tout croire. Tu cries liberté chaque fois que je pars manifester. Tu y crois à mort. Un peu plus tard, quand je reviens, il est là encore. Qui est-ce qui tourne en rond chez moi? Chaque fois que je sors, même très tard, quelqu'un attend sur le palier. Je suis prêt à tout croire. Qui est-ce qui tourne en rond chez moi? Qui tourne en rond chez moi? Qui est-ce qui tourne en rond chez moi? Qui est-ce qui tourne en rond chez moi?